La basse, si j'y suis, Daniel Mermet. Ce qui est bien avec Los Angeles, c'est que rien ne peut vous étonner. Rien ne peut étonner les petits Français comme vous et moi. Los Angeles, vous l'avez vu 1 milliard de fois dans votre télé. Si vous avez une télé, vous connaissez LA. Feuilleton, sitcom avec boîte à rire, Disney, le reportage insolite et fascinant avec Sunset Boulevard, Hollywood et Beverly Hills, avec les personnages hauts en couleur. En fait, nous connaissons bien mieux la Californie que la Picardie. Et bien, malgré ça, nous avons réussi, armés d'un seul petit micro, dans cette méga Amérique, un exploit tout à fait formidable, soit dit en toute modestie. C'est un tel scoop, je ne devrais pas vous le dire, mais je ne résiste pas. Nous avons dégoté le seul Californien, et peut-être même le seul Américain vivant, nanti d'une conscience politique. Je ne vous en dis pas plus, ne le répétez pas, il risquerait de se faire virer comme se fit virer Charlie Chaplin. Je vous rappelle que je suis toujours dans la chambre déglinguée où habitait Charlie Chaplin à Venise, sur la plage de Los Angeles. En attendant, aujourd'hui jusqu'à 18h, dans la base où j'y suis, suite de la balade en Inde, en deuxième diffusion, quelques Indes. Aujourd'hui c'est Calcutta. Écoutez bien le bruit des lentilles, concert aux pauvres sur de larges feuilles, et respirez le parfum des beaux sadous, et tremblez du tremblement du pont au lever du jour, au Calcutta, Calcutta. Salut, c'est Daniel Mermet, avec Zoé Varié, là-bas si j'y suis, quelques Indes, Calcutta. Flight number 2, arriving from New York. Ça, c'est le bruit d'une mouche. C'est vraiment comme des mouches. C'est les mômes qui s'approchent de vous et qui vous demandent du fric interminablement. Celle-là, c'est une petite fille. Elle doit avoir 3 ans, 4 ans. Elle est en train de se gratter comme une folle. Elle a des petits bracelets roses. Comment tu t'appelles? What's your name? Atma. Atma. Où sont tes parents? J'ai pas mon père. Il est où? Il est décédé. Il est mort. Est-ce que tu as des amis? Maman est mon ami. Tiens. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas faire de l'argent? Je vais manger. Tu vas manger quoi? Du riz. Et voilà, elle s'en va. On sent tout de suite qu'on va aimer Calcutta. Damné, mouroir, cauchemar, pourri, sordide, cloaque. Comme on aime un cancer, on va aimer Calcutta. Une fermentation qui déborde, que personne ne contrôle, dont personne ne s'occupe. Déborder Calcutta, et tout le monde s'en fout. Fancheuse, putride, échouée, naufragés, encore une petite couche, alors épuisons nos superlatifs, nos sous-perlatifs. C'était fou, quoi? Foie gras ou bien le pavé au mori avec le petit chassagne montrachet? Je sais plus ce qu'on avait choisi à la closerie avec ces journalistes de tourisme qui s'y connaît et qui disait « À Calcutta surtout, évite le misérabilisme. » Ok. Mais comment faire? Comment éviter ça? Comment ne pas voir, ne pas sentir la puanteur, le pu de ce monstrueux furoncle qu'est Calcutta? Pour éviter le misérabilisme de Calcutta, c'est simple, il ne faut pas respirer. L'air est pourri, chaud, malade, sale. La pollution la plus dingue du monde, à 10h du matin, on ne voit plus le soleil. Juste un rond orange dans le smog. Un mélange qui vous tue. Brume, marécage, gaz d'échappement. Gazez Calcutta. Comme dit V.S. Naipaul, l'air a été trop respiré à Calcutta, par trop de poumons malades. Par trop de moteurs qui chient des gaz trop noirs, par trop d'humidité putride, par trop de moussons fermentés, par trop de bouches à mourir. L'air de Calcutta a été pourri par trop de derniers soupirs, sans personne autour. Sauf un chien qui attend de bouffer le cadavre. Quelquefois c'est un porc dans certains bidonvilles, chacun a sa religion. Ou bien ce sont des vautours ou des rats, comme dans les couloirs de certains hôpitaux. Crevure, Calcutta. Comment éviter ça? Ah, rester dans les salons climatisés de l'hôtel Oberoi, survoler les bidonvilles dans un hélicoptère, comme le fit notre président. Help! Aidez-nous. Calcutta doit être sauvé. J'ai bien noté ce que m'a dit Mihir Mukherjee, un formidable journaliste, journaliste au Statesman, à Calcutta, dans sa petite maison la nuit, dans un faubourg de vélos, de rickshaw et de triporteurs qui faisaient pouet-pouet dehors. Sauver Calcutta, c'est comme lutter contre un cancer. 12 millions d'habitants, la moitié dans les bidonvilles, 30%, soit 4 millions dans la grande pauvreté et 3 millions dans des conditions infra-humaines, j'ai noté, des conditions animales. Aucun projet pour cela. L'ouverture économique ne les concerne pas. 10 000 nouveaux arrivent chaque jour. Qui viennent d'où? Depuis la grande famine organisée par les Britanniques contre l'avance des Japonais en 1943, ça n'a pas cessé. Il y a eu la sécession avec le Pakistan, il y a eu l'indépendance, il y a eu le Bangladesh en 71, et puis aujourd'hui ils viennent du Bihar, ils viennent de l'Uttar Pradesh. Mais voilà, même avec 3 roupies par jour, c'est-à-dire 6 centimes, pas 60 centimes, 6 centimes, on peut bouffer à Calcutta. Et on sent qu'on va aimer cette ville de Calcutta. C'est une marmite sous tension, sous pression, sous oppression, mais aussi en ébullition. Des artistes en pagaille, des écrivains, des intellos, des théâtreux. Au Coffee House de Calcutta, c'est comme la coupole au temps de Modigliani et des Mingwe. Ça rappelle le Paris, quand Paris avait du génie et des bavards. Calcutta, c'est Satyajit Ray, une des plus grandes lumières dans ce siècle. Calcutta, c'est la figure des rickshawalas, les tireurs de pousse-pousse à pied dans cette fange infâme, inhumaine. Mais Calcutta est un monstre qui montre. Voilà pourquoi on a envie d'aimer Calcutta. Et aussi pour ceci, c'est la ville d'un poète qui s'appelait Rabindranath Tagore et qui a écrit dans cette ville, sur cette ville, c'est un péché que de perdre foi en l'homme. Thank you. Une dame qui fait ses rituels, elle prend une petite feuille, elle fait un geste, elle prend une petite fleur, elle fait un geste. Elle tient une petite coupelle dorée dans une main, pleine d'eau qu'elle vide sur les marches qui descendent vers le fleuve. Elle fait des gestes avec son sari aux quatre points cardinaux. Elle tourne sur elle-même. Là, d'autres femmes sortent des feuilles, des poudres dans des boîtes. Les hommes se savonnent du pied à la tête. D'autres plongent. Là, il y a un brahman, puisqu'il a un cordon, qui lave son cordon, qui frotte son cordon. Là, il y a un très, très vieux monsieur, brahman aussi. Il est bientôt 6 heures et Calcutta s'éveille. Là-bas, c'est le pont Aoula. C'est un immense pont métallique qui traverse le fleuve et qui est chaque jour traversé par des dizaines de milliers de bagnoles, camions dans tous les sens. C'est le seul pont qui rejoint les deux rives du Gange à Calcutta. 12 millions, 13 millions, 14 millions d'habitants. Le ciel est un peu rose là-bas, surtout il y a beaucoup de brume au-dessus du fleuve à cause de la pollution, un petit peu de brume, mais beaucoup de pollution. Il y a un bateau qui arrive là-bas, une sorte de sampan avec des gens à bord, avec des grands bâtons, des grands bambous pour accoster. Et là je suis sur le quai, sur le ghat, sur les quais au bord du fleuve où des gens sont en train de faire leurs ablutions. Là-bas, il y a un autre bateau, un autre sampan qui passe. Là, il y a des sadhus, des gens très religieux qui sont avec leur peinture, qui sont en train de faire leur peinture. C'est leur maquillage, leur poudre, des poudres rouges qu'ils se mettent au creux des mains et sur le front. D'autres descendent vers le fleuve avec des bâtons, ces bâtons qui servent de brosse à dents. Il y a des gens qui dorment encore près de moi sur des tapis, des enroulés dans leur couverture et dans leur pagne et dans leur sari. Il y a là-bas toute une quantité de ces sadhus, de ces religieux, avec le front peint en jaune ou en rouge, dans leur toge safran, orange. Qui sont accroupis, qui se lèvent, qui s'éveillent. Et là, il y a un temple consacré à je ne sais quelle divinité. Je crois reconnaître un Vishnu, mais je ne suis pas sûr. On va essayer d'en savoir plus. Puis il y a ce temple ocre, rouge, vert, à colonnes, une sorte de colonne grecque, dorique. Il y a des gens qui arrivent vers le fleuve, comme ça, avec une petite casserole à la main. Là, il y a un type qui est en méditation, dans la position du lotus, avec son bâton de pèlerin en bambou à côté de lui. Là-bas, il y a des divinités en plâtre ou en carton qui sortent d'un arbre, sans feuilles, dépourvues de feuilles, où il y a une quantité de corbeaux. Les corbeaux s'éveillent aussi. Des divinités en forme de singe, en forme d'éléphant, menaçante, apaisante, on ne sait pas très bien. Et là, il y a un espace derrière ces quelques bananiers avec des lutteurs, des types de tous âges qui sont en train de s'entraîner en petite tenue et qui sont en train de faire des exercices d'assouplissement dans de la terre, dans une terre très très fine, qui est l'espace des combats et des luttes et des mouvements de cette lutte rituelle. On va essayer d'en savoir plus. Et puis après, si on descend les marches là, si on descend les marches, et là c'est le Gange. Et les gens sont en train de faire leurs ablutions, se laver, se parler, accroupis, accroupetons sous un quai avec deux guérites vertes. Et en face, c'est la Calcutta britannique, la Calcutta du temps de l'Empire, qu'on voit de l'autre côté du fleuve très très large, avec des bâtiments rouges, ocre rouge, à moitié en loque. Côté du fleuve, c'est la gare de Calcutta, la gare de Ora. Et juste derrière la gare, c'est l'immense bidonville qui cerne cette gare. Et beaucoup de gens sont installés le long des voies. C'est-à-dire que si on se penche à la portière, à la fenêtre du train, ces fenêtres avec des barrières, comme ça, avec des barreaux, disons. On peut toucher ces gens qui sont installés, qui ont installé leur cahute de toile et de rien, de poussière au bord des voies ferrées. Là, on est sur Ora Ghat, c'est Armenian Ghat, sous le pont, sous ce monstrueux pont de Ora, où passe chaque jour, dit-on, 1 million de véhicules, un des plus grands ponts du monde, 650 mètres de long, et des piétons, un flot, un fleuve, une folie humaine qui traverse ce pont chaque jour. Et là, on est sous le pont, c'est le théâtre du point du jour, comme on peut le voir un peu partout dans les grandes villes de l'Inde. Le matin, on n'en revient pas, on est écarquillé, candide, surpris, enchanté, oui, si on a pris en compte les marchands de fleurs qui sont nombreux au bord de ce Ghat. C'est autre chose si on voit les paquets de mendiants, les alignements de mendiants sur le pont, dans les rues, partout. Bonjour, vous venez de vous baigner, vous avez l'air heureux, vous avez l'air d'être un homme heureux. Maericha. C'est parce que Dieu a voulu ça. Parce que Dieu a voulu ça. Quel sens ça de se baigner comme ça le matin? Pourquoi au lever du jour? Oh, écoute. Sokalo la chante kolle monta agba puriskar hoye jay. Make bhalo bhabe shorom korte para jay. Sara din. Je me réveille le matin et je me lave très tôt le matin. Et comme ça, je peux laver toutes les saletés de mon cœur, de mon esprit. Et comme ça, je peux approcher de Dieu. Vous pouvez approcher de Dieu dès le matin. Je fais deux choses. D'abord, je prie Dieu et après, je travaille. Et vous allez au travail maintenant. Qu'est-ce que vous faites comme travail? J'ai un magasin, je vends du pain, des biscuits, des gâteaux. Et dans mon magasin, il y a une photo de Dieu et je prie tout le temps. Mais est-ce que vous avez une divinité particulière à vous? Kali. Pour moi, c'est Kali. Et pourquoi Kali? Ma Baba Teken. Maï to hachi asul. Maï kache keum nahi. Hachi ka bola jinis am nahi. Grâce à ma maman, je suis né. Je vois le soleil maintenant. Donc Kali, c'est la maman. C'est pour ça que je prie à Kali. Mais pourtant, Kali, c'est la destruction. Kali est très puissante, donc elle peut démolir. Mais je l'aime. Vous l'aimez même si elle vous détruit? Et pourtant, je l'aime. Bonne journée. Bonne journée. Ainsi, à Calcutta, si on se lève très tôt, on peut rencontrer un homme heureux et qui possède dans son petit magasin, tout petit magasin en forme de boîte, la photo de Dieu. Là-bas, il y a ces lutteurs derrière les bananiers qui sont en train de s'entraîner, en train de lutter dans une terre très très fine. Ils sont très curieux. Mais là, tout près de nous, il y a des sadhus qui sont, mais alors coquets comme des sadhus. Énorme paura là-bas. Avec le soleil levant. Et des camions, des bus, des trams qui circulent dans tous les sens sur ce pont avec tout un populo à pied. Beaucoup, beaucoup avec des charges sur la tête, des paquets, des ballots sur la tête qui traversent. On est au bord du Gange et là il y a des sadhus qui sont en prière. Ils sont très très beaux, vachement, vachement esthètes les sadhus. Bonjour. Est-ce que vous pouvez expliquer aux étrangers, moi je suis étranger, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un sadhu? Sadhu, sadhana kiya se sadhu. Sansar tyag kiya. Sadhu ban gaya, diksha liya guru ki. Parivachan karna. Bhala karo, banta utna purupkar karo, nahi banta kisi ki burai nahi karna. Kisi ke maa ben buri aankhon se dekhna nahi. Jo aisa jo sadhu ki paribhasha hai. Un sadhu ne doit pas rester dans la famille. D'abord, il doit quitter la famille. Et c'est comme ça qu'on commence à sacrifier. Et après, je fais la méditation et je dois conseiller les gens ce qui est bon et ce qui est mal. Que faire et ne pas faire. C'est le travail de sadhu. Et aussi, le sadhu doit visiter tous les lieux sacrés de l'Inde. Il faut savoir l'hindouisme. कलयुग में क्या है सतयुग में क्या था कि किसी के ऊपर भलाई करना लोगों को अच्छा जैसे देखना ये सतयुग था अभी कलयुग है अभी क्या है आपके पास पैसा रहा तो उसके ऊपर मेरे ख्याल मैं कल को लूंगा il y avait longtemps tout le monde était religieux tout le monde était bon mais maintenant très peu de personnes sont religieux. Mais est-ce que les sadhus appartiennent à une caste particulière? Quand je suis devenu sadhu, j'ai pas de caste. C'est-à-dire que si on veut sortir de sa caste, on devient sadhu. Oui, parfois ça arrive. Aujourd'hui, vous venez de vous lever au bord du Gange, vous venez de vous réveiller. Tous les 7, 8. À 4 heures du matin, je dois me laver. फिर भगवान की पूजा करना आपके प्रिये स्नान लगा के भगवान का पूजा नियम क्रिया कांड करना आपके je peux visiter l'endroit je peux manger उसको रामायण पढ़ना गीता वचन पढ़ना कुरान पढ़ना शास्त्र इतिहास करना आपके lire les livres sacrés par exemple Gita Mahabharata Ramayana शाम को आने के बाद पूजा भगवान का आरती पूजा करना भंडार भजन करना फिर प्रवचन करना le soir je prie encore et je lis les bouquins et je mange और मैंने कुछ ज्ञान देना ऐसा करो साधु का नियम से चलो et je conseille les gens d'obéir. Mais là je suis en train de vous enregistrer avec un appareil très très sophistiqué, une technologie très pointue. Est-ce que ça vous choque pas? Non, on n'est pas choqué. Les machines, pehle se sadhu se. Pehle se ye machine. Non, le monde moderne, ça existe depuis longtemps, on y est habitué, ça ne choque pas. Le monde moderne existe depuis longtemps, ça vous choque pas? Nous y machine te. Ki kya chal raha, kya ho raha? Hamara desh kaisa hai? Ha, radio pe hum rukte rehte saath mein. Ha. On a la radio. Donc, de temps en temps, on l'écoute. Est-ce qu'il y a des étrangers qui deviennent sadhus? बहुत हो गए ना, बनारस में बहुत है ना। कहां बड़े बड़े घराने? अरे राम, करोड़पति अरबपति घराने के बड़े बड़े साधु हो गए हैं। ओ il y a des étrangers qui sont très riches mais qui sont devenus sadhus et ils sont à Benares maintenant. Mais moi je pourrais devenir sadhu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour devenir sadhu? Unko kya hai ki unki atma mein shanti hoti hai aur unko gyan hota hai. D'abord vous devez savoir la sagesse. Sansar tyagna padta hai. Il faut quitter la famille après. Anbaaz usko aisa tapesh karna padta usko aisa. Après vous devez faire la méditation. Ça ça doit pas être le plus facile la méditation. Sahaj hai. C'est très facile à faire. Sahaj hai. एक टाइम खाना खाना पड़ता, बोचा नहीं धोना पड़ता। Il faut manger une fois par jour. ब्रह्मचारी रहना पड़ता है, लंगोट कसके। Il faut quitter la famille, c'est-à-dire il faut quitter la relation sexuelle aussi. Ah, plus de relation. इंद्रिय को बस में रखना पड़ता है, आत्मा को, आत्मा को बस में रखना पड़ता है। Il faut se maîtriser. Évidemment, c'est pas nécessairement facile, mais devenir sadhu, c'est un moyen quand même d'échapper à la hiérarchie des castes. On peut très bien, si on en a marre de vivre dans sa caste et qu'on veut y échapper, on peut devenir sadhu. Il faut à ce moment-là, ce qu'a dit notre ami, rompre, quitter totalement, rompre avec tout lien familiaux et devenir un pèlerin, un ascète et conseiller les autres qui viennent vous poser des questions. Alors, il y a effectivement cette maîtrise sexuelle qu'il faut acquérir, mais en revanche, il y a des petites compensations dans la mesure où on fume son pétard. Il faut bien dire les choses, les sadhus ont le droit et même doivent fumer leur petit pétard et même leur gros pétard. Et c'est le cas près de la gare de Calcutta, par exemple, enfin partout en Inde, c'est les charmes divins du rôle de sadhu. On est à Calcutta, au bord du Hougli, du fleuve Hougli, qui est un bras du Gange. C'est pas tout à fait le Gange, mais les habitants adorent dire que c'est le Gange quand même. Alors, on va faire comme eux, on va dire comme eux. Et le jour, c'est déjà pas mal. Tout le long de l'escalier, il y a des mendiants, là. C'est un quartier, vraiment, le cloaque. Et là, il y a un gars qui descend. Alors, et qui, dans un sac, a des gâteaux secs et qui distribue des gâteaux secs à tous ces pauvres. Bonjour. Pourquoi vous donnez à tout le monde? Je les donne parce qu'ils sont pauvres. Je les donne comme ça. Mais qui êtes-vous? J'ai une petite affaire. Et pourquoi vous faites ça? Je donne ça aux gens et je donne la nourriture des rennes aux oiseaux aussi qui sont là, des pigeons. Mais qu'est-ce que ça vous rapporte de faire ça? C'est mon plaisir et c'est mon devoir. Et vous faites ça tous les jours? Presque tous les jours. Mais est-ce que vous êtes un prêtre? Non, je ne suis pas sadhu, je ne suis pas prêtre. J'ai une famille, j'ai une affaire. Sadhu bolke nahi hum. Non, je ne suis pas sadhu. Comment vous vous appelez? Hamara naam Jamuna Das. Jamuna Das. Quand je leur donne des biscuits, des gâteaux secs, j'appelle le Dieu. Comme ça, je peux appeler, je peux prier à Dieu. Jai Sitaram. Thank you. Parc de Marble Palace, début 19e, colonne de marbre, style british, européen, splendeur, un peu défraîchi, mais splendeur toujours, grandiose suffisance britannique, avec pelouse, avec zoo, avec plan d'eau, avec domestique Valtaille et prince Decati, et depuis 150 ans, chaque jour, entre 14 et 15 heures, on donne à manger aux pauvres, à la suite d'un testament, du testament d'un illustre ancêtre dans cet endroit. Alors voilà, c'est là que ça se passe. Les assiettes, c'est des feuilles, et sur ces feuilles, on donne un mélange de lentilles, de riz, enfin des boulettes. C'est vraiment Les Misérables à côté du luxe et de la splendeur la plus éclatante, la plus extraordinaire. Marble Palace, c'est un de ces palaces, comme il en reste encore, qui s'écroulent et qui sont chaque année de plus en plus bouffés et moisis par les moussons, qui datent du temps de l'hégémonie sans réplique de l'Empire des Indes. Mais on serait presque envahi par une douce nostalgie romanesque devant ces certitudes romantiques. Dans ce Marble Palace, c'est une pâtisserie rococo, splendeur défraîchie, avec quelque chose de croupissant, des jardins à l'anglaise, des statues à la grecque, toutes les certitudes occidentales et européennes, des colonnades. C'est au milieu de ce quartier très très animé, à côté du Grand Bazar. C'est une l'oasis de verdure, une parenthèse. C'est très marrant de se balader là-dedans. Il y a des marbres partout, de la pâtisserie en stuc qui s'effrite un peu, des médaillons, des urnes pesantes, un satyre en plâtre, un Apollon en plâtre, des mobiliers. Et tout le temps, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Il y a un gamin qui est en train de jouer sur un billard un peu faussé. Un piano quelque part qui essaye de jouer quelque chose de peut-être de Chopin, et alors qu'on est à Calcutta. Et ce qui est arrivé, c'est que par une disposition testamentaire de l'illustre créateur, fondateur et constructeur de ce Marble Palace qui s'appelait le Raja Rajendra Mulik Bahadur, eh bien, il faut que les pauvres soient nourris une fois par jour, quel que soit le jour, quel que soit le temps, quelles que soient les difficultés. C'est le testament du Raja. On dit que ce n'est pas aussi généreux que ça, que c'est la raison en est que les créateurs de cet endroit, ceux qui ont fait édifier ce palais, ont établi un temple à l'intérieur de l'enceinte, et donc ça leur fait obligation de nourrir les pauvres. C'est une autre version, les deux versions peuvent se superposer. En tout cas, depuis 1835, chaque jour que les dieux font en Inde, eh bien, on nourrit les pauvres. Une sorte de, Calcutta du cœur, enfin, si on veut. En tous les cas, une survivance assez stupéfiante du paternalisme du temps de Germinal. Ah, c'est assez impressionnant parce que quand on entre, les gens sont alignés. C'est vraiment des images que Zola n'aurait pas pu inventer. Ils sont alignés, tous accroupis devant leur feuille. Le monsieur qui est là, il a de l'herbe dans la main. Il attend le repas et après il veut fumer. Là, ils attendent la distribution dans un grand hall. Une sorte de grange avec des colonnes grecques de fer. Il y a 200, 300, combien ? 400 personnes peut-être ? 400 personnes. La famille Malik. Tous les pauvres crient vive la famille Malik, c'est-à-dire la famille du prince. Oui, c'est la famille. C'est-à-dire la famille qui a cette maison, qui a le jardin, palais, qui donne à manger ce palace aux pauvres. Oui, c'est ça. Voilà, c'est la distribution de la bouffe. Alors ça passe avec un seau et on donne une pelletée de bouffe sur chaque feuille. Ça s'appelle khichdi. C'est un repas préféré par les Bengalis. Et il y a du riz, il y a de lentilles là-bas. Voilà, un autre seau qui arrive. Je m'appelle Chotu Chakraborty. Tu es brahmin ? Yes. Mais tu es brahmin et regarde comment tu es. C'est mon destin, hein ? C'est pour ça que je suis ici. C'est-à-dire, je ne comprends pas ton destin. C'est-à-dire... Un brahmin qui est dans la misère, comme ça. Je ne sais pas. Je ne suis pas éduqué, donc je ne peux pas travailler. Je ne suis pas bien placé. Je suis pauvre. Donc, c'est mon destin. C'est le destin. Ça m'amène ici. Mmh. Mais après, dans ta prochaine vie, est-ce que ce sera mieux ? Non. Ça dépend de Dieu. Hein. Et ça dépend de toi aussi, de ta vie. Oui, ça dépend de moi, mais je dois trouver un emploi. Je dois rencontrer des bons gens. Quoi. Namar rupir pure shad mitaye madaye ghure nayun amar rupir pure shad mitaye madaye ghure srobo namar. আমার নিমন্ত্রণ তোমার যোগে দিয়েছো ভার বাজাই আমি বাঁশি গানে গানে গেথে বেড়াই রানের কান্না হাসি এখন সময় হয়েছে কি সভায় গিয়ে তোমায় দেখি জয় Calcutta, ébullition, pression, tension, oiseaux, les oiseaux du Marble Palace, des jardins du parc, de ce palais, cette splendeur défraîchie, splendeur en loque, mais qui tient encore debout, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres palais du temps du Raj, du temps de l'Empire des Indes, qui les uns après les autres rejoignent la nature, rejoignent le croupissement, la fermentation générale de cette ville. Là, il y a donc cette habitude, depuis cette coutume quotidienne depuis 1835, de donner à manger aux pauvres du quartier, de 200 à 800 repas sur ces feuilles séchées, posées à terre dans cet endroit qui ressemble plus à une étable qu'à un hall de gare, où les pauvres du coin viennent bouffer. Alors, j'ai pu rencontrer la descendante de ces hauts personnages, Madame Malik, est une charmante dame, tout à fait adorable, qui parle français, qui est d'une extrême courtoisie et d'un grand raffinement, qui a l'air de sortir d'une estampe du 19e siècle, et avec qui on a parlé de la France, avec qui on a parlé des bords de la Loire, et de Dijon, dont elle adore les toitures et le climat. Et son mari était... Il y avait quelqu'un qui était sur une sorte de lit, un peu dans le genre récamier, qui était en train de dormir. Alors cette dame a pris un cornet de cuivre. Elle a dit quelques mots en bengali, j'ai pas compris. Et puis quelqu'un est entré sur la pointe des pieds, très silencieux. C'était un domestique, les bras croisés sur la poitrine, avec un turban à aigrette. Qui s'est employé à réveiller monsieur en faisant des petits claquements de mains très respectueux. Et enfin, monsieur s'est réveillé, s'est assis, s'est frotté les yeux. Mais oui, ce haut personnage s'est frotté les yeux. Et puis, il a dit un mot. Et alors, le domestique est allé chercher les lunettes de monsieur. Il a posé les lunettes de monsieur sur le nez de monsieur et les branches sur les oreilles de monsieur. Après quoi, il a fait le tour de monsieur et du lit de monsieur, de la couche de monsieur, et il est allé chercher le journal. Voilà. Ayant pris connaissance du journal, ce monsieur, ce descendant donc du Raja, a eu la courtoisie délicieuse de venir me dire quelques mots et de s'enquérir du but de ma visite en me souhaitant bienvenue à Calcutta, bienvenue dans ce qui reste du Bengale, c'est-à-dire le West Bengale, où nous sommes, et il m'a invité avec beaucoup de plaisir à assister au repas des pauvres. Là, il y a une charrette où les gens jettent les feuilles sur lesquelles ils ont bouffé. On est dans le parc. Plantes. Des arbres magnifiques, un îlot de verdure, une oasis de verdure, comme on doit dire. Ici, le temps s'est arrêté, comme on doit dire aussi. Des canards sur le plan d'eau, des oiseaux rares. Là, il y a un petit zoo, une volière. très victorien, très 19e. Et tous ces pauvres qui ont bouffé, les pauvres, c'est vraiment les pauvres, qui ont bouffé et qui se maintenant au bord du plan d'eau, parmi les canards, viennent se rincer les doigts, se faire quelques ablutions. Et au milieu du plan d'eau, il y a une fontaine, une sorte de rocaille rococo, avec des Neptunes, avec des dieux des eaux qui crachent de l'eau de temps à autre sur ce bassin. Elle est très vieille, la dame, la grand-mère, la pauvre grand-mère, pliée en quatre sur son bâton. Comment vous vous appelez ? Loki. Je m'appelle Loki. Et depuis combien de temps vous venez ici ? Je viens ici depuis longtemps. Quand j'étais petit, je venais ici. Et vous allez où maintenant ? Je vais chez moi. Et vous habitez où ? J'habite à Maniktala. Maniktala, c'est un quartier dans le nord. Et vous avez vos enfants avec vous ? J'avais deux fils, mais ils sont morts. Vous êtes toute seule ? Oui, je suis venue toute seule. Et comment vous faites pour vous faire respecter par tout ça, par tout ce monde-là ? Maman, si ! Didi. On m'appelle parfois maman, parfois la sœur, parfois la tante. Et tout le monde vous respecte ? Oui, tout le monde me respecte. Elle s'en va, elle est pliée en deux, la pauvre mamie. Voilà, les pauvres quittent le parc du Marble Palace et rejoignent les rues de Calcutta et vont reprendre leur rôle de pauvres, c'est-à-dire ce qui est les caractéristiques de cette ville. C'est un décor avec des pauvres, des figurants qui sont les pauvres, qui dorment sur les trottoirs, qui dorment comme cette famille qu'on a vue, sous une tente constituée d'affiches de cinoches, et d'anciennes affiches de cinéma en toile, peintes, avec des figures hallucinées de personnages géants, comme ça. Et il y avait toute une famille endormie là-dessous. Là, c'est la bonne saison, et qui fait très chaud. Il fait très chaud à Calcutta, mais c'est relativement clément par rapport à d'autres moments de l'année où la température monte à 40 degrés, on peut imaginer, enfin, on ne peut pas imaginer. Et puis là, évidemment, il y a la mousson. Il y a le moment de la mousson. On s'étonne toujours de la capacité des Indiens, des Hindous en l'occurrence, à se baigner dans le Gange. Mais on oublie tout à fait que la mousson tant attendue et bénie par tous, évidemment, est un moment où tous les égouts débordent dans les villes et où on nage littéralement dans les villes. On a de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille, selon les endroits d'une ville comme Calcutta. L'image de Calcutta, c'est évidemment l'image des rickshawallahs, de ces tireurs de pousse-pousse, ces gars qui tirent des pousse-pousse, des petites charrettes, à pied. Ils sont à pied, ils n'ont pas de vélo, ceux-là. Et c'est, ils sont les à Calcutta, ils sont je ne sais plus combien de milliers, maqués, comme vous savez, etc. Mais il y a encore pire, c'est encore pire que ça. On trouve toujours pire. Même si vous ne savez pas, vous dites qu'il y a encore pire, et on vous dira oui, vous avez raison, à Calcutta. Et ce sont ceux qui tirent des chariots, qui tirent des charges, des tonnes de pierres, des tonnes de ferrailles, des tonnes comme ça, qui sont vraiment les damnés, des damnés, des damnés de la terre, qui traversent la ville avec des charges comme celle-là, ou bien alors qui font la route, qui font des centaines et des centaines de kilomètres à pied, en poussant, ils sont 3-4, ils poussent ces charges énormes. Et il y a un gars là qui s'en va, qui a mangé au resto du cœur du Marble Palace et qui nous dit au revoir. Dans mon quartier, il y en a 100. Une centaine ? Une centaine. Mais combien vous gagnez par jour ? Quelques jours, je gagne 15 roupies, parfois c'est 20 roupies, parfois c'est 40 roupies. Mais je travaille tous les jours et je gagne tous les jours. Et vous avez des enfants ? J'ai un fils. Et vous habitez où? J'habite à Ama Street, dans le quartier Manitala. Mais ça a l'air d'aller, vous n'êtes pas... Je vis sur le trottoir, et il y a petite hutte sur le trottoir, je vis là. Depuis combien de temps? Ça fait 5 ans. 5 ans que vous êtes dans une tente sur un trottoir. Mais vous venez d'un village? Je viens d'un village, ça s'appelle Domjur. C'est loin? Une demi-heure en bus. Ah, et vous retournez là-bas de temps en temps? Oui, de temps en temps, j'y vais pour voir parce que j'ai un terrain là-bas et je cultive parfois. Donc, j'y vais pour surveiller si ça se passe bien ou... Je fais du riz, des patates là-bas. Ah, d'accord. Et demain, vous y allez? Non, demain, je n'y vais pas, mais dans quelques jours, je vais y aller parce qu'il y a une fête, ça s'appelle Holi. Quelques Indes, reportages zoé variés, assistantes Laetitia Chérel et Brigitte Charroy, réalisation Laurent Thomas, là-bas si j'y suis, une émission de Daniel Mermet. Actuellement, il est en reportage aux États-Unis et demain, il nous propose la suite de cette étape à Calcutta.